L'histoire est une ancienne des Homo Néandertal, l'éprouvé est pourtant phénoménal. Les liens qui se dessinent et façonnent des personnes, quand la vie les attelle à un enfant. C'était hier, c'était il y a longtemps, sont entrés dans ma vie deux enfants singulières. Comme il est doux d'être leurs parents pour leurs anniversaires. J'étais le roi de leur pays charmant, qui apaisait les peurs et les tourments. Viennent les temps adolescents, les rois s'avèrent étouffants. Y'a rien d'original, tout cela est bien banal. C'est la loi pour le règne humanal. L'enfant tuera le père, le contraire est anormal. S'il vous plaît, ne me faites pas trop mal. C'était hier et c'est maintenant que vivent dans mon cœur deux enfants singulières. Comme il est lourd cet attachement, être père. Je connais, comme bien de parents, les nuits de peur et de tourment. Je ne serai plus roi, je n'ai pas trop de peine. Seront-elles